Du 22 au 27 juillet, il y a eu dans divers pays des cérémonies variées consacrées aux 63 ans de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie. Le Cercle suisse d'études des Zé du Tutsé a organisé le symposium sur l'œuvre classique du président Kim Il-sung, déjouant les complots d'agression et de guerre des impérialistes pour sauvegarder la paix et l'indépendance. En outre, il y a eu séance de lecture à l'École Progrès du Mali, à la Compagnie Générale Nigérienne Vazir et à la Compagnie Générale Guinéenne Guiko Press, ainsi que rassemblement et séance de films à la ville de Garanda de la province de Bolivar de l'Équateur et séance de films au Nigérien, en Thaïlande et en Slovénie. Lors des cérémonies, les orateurs ont exalté vivement les espoirs du président Kim Il-sung qui a conduit la guerre à la victoire. Aux séances de films, on a projeté les documentaires coréens notamment « Réponse de la Corée » et « Qui a tracé la ligne de démarcation militaire du 38e parallèle ».